la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est drôle comme la vogue d'une plage tient à peu de choses. En 1912, d'un côté de la Touque, il y a toujours, mais bien changé, Trouville. Et de l'autre côté, Deauville. Comment et pourquoi les vestons bleus, les chemises et les pantalons blancs, les chapeaux de toutes sortes, les personnes élégantes et joueuses, allaient décider de franchir le fleuve en question? Une inauguration de Deauville, un 11 juillet. Inauguration, pas vraiment une création, une relance de Deauville. La mémoire, les témoignages, parfois en légère contradiction. Ainsi, y avait-il dès 1912 la roulette au casino de Deauville? Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne le 8 mars 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Avant d'aborder l'émission d'aujourd'hui, je voudrais remercier tous les auditeurs qui écrivent une fois que l'émission est passée pour ajouter aux témoignages qu'ils ont entendus leurs propres souvenirs. Et parfois parmi ceux-ci sont des révélations extrêmement intéressantes, comme celle qu'à propos de l'inauguration du métro, du premier métro, me fait M. Demanton, qui m'explique qu'au moment de la création du métro, ces lignes étaient destinées à assurer une liaison entre les gares de Paris par wagon de chemin de fer. C'était en somme un supplément au chemin de fer et c'est pour ça que les rails avaient le même écartement. Je voudrais surtout vous lire aujourd'hui une lettre extrêmement émouvante que j'ai reçue de Madame Julia de Carbonne dans la Haute-Garonne et qui m'écrit ceci. Je tiendrais à vous dire que je suis, dit-elle, le seul témoin de la mort d'un grand savant, Pierre Curie. Et voyez-vous, malgré les longues années qui se sont écoulées depuis cet affreux accident, et pouvant nous dire cette terrible perte qui entraîne chaque année des milliers de malades, car s'il avait vécu, certainement, ce grand savant aurait pu sauver beaucoup de monde, lui travaillait pour l'humanité alors que d'autres travaillent leur science pour faire tuer, je cite textuellement la lettre que j'ai reçue, et cette dame ajoute ses précisions. Voici comment cela s'est passé. C'était en 1906. J'avais 8 ans. Il était 7 heures du matin. Il pleuvait. J'habitais rue de Nesle et j'allais chercher le lait à la crèmerie rue Dauphine. J'allais traverser lorsque j'aperçus une voiture genre charrette, longue, avec des grandes roues comme en avaient autrefois les rouliers, chargée de grosses futailles, lorsque j'aperçus un monsieur avec chapeau melon et la barbe plutôt pointue débouché de la rue du Pont de Lodi. Il tenait un journal à la main et voulut certainement traverser la rue Dauphine, il n'en a pas eu le temps. Le roulier, je dis le roulier car je n'en vois plus, de ses charrettes en ville, mais encore à la campagne, le roulier qui marchait à ses vives allures n'eut pas le temps de l'éviter. Il a bien tiré sur les guides, mais c'était trop tard. Notre savant tomba à l'avant du brancard en tenant son journal à la main. Naturellement, il y eut un attroupement, un agent demanda qu'il avait vu. Personne sauf moi qui, en pleurant tellement cela m'avait frappé, l'agent m'emmena quai des Orfèvres, là un commissaire que je revois encore, cheveux en brosse, barbe et costaud, ne voulut pas de mon témoignage. Et cependant, je revois encore cette mort. Ce que je ne me rappelle pas, c'est le pot au lait. Je ne sais ce qu'il est devenu. Eh bien, dans sa simplicité et sa précision, ce témoignage est d'autant plus important qu'il y a eu beaucoup de discussions sur la mort de Pierre Curie et que ce témoignage unique semble y mettre fin. Maintenant, nous allons passer à un sujet beaucoup plus léger qui est la création d'une station à la mode avant la guerre de 1914, la création inoubliable pour ceux qui y ont assisté de cette grande station qui s'appelle Deauville. Et j'ai demandé, pour amorcer les témoignages sur cet événement très mondain, j'ai demandé à Michel-Georges Michel, qui est un grand anecdotier et qui a vécu cette époque et qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, de venir nous rappeler brièvement ses souvenirs essentiels. Cher Michel-Georges Michel, vous étiez donc en 1912 à Deauville. Oui. Tout jeune. Oui, je veux bien. Bon. Et alors, ça s'est passé à quelle date ? Ben en 1912, en août. En août ? Oui, parce que juillet n'était pas encore un mois de vacances, c'était le mois d'août. Et alors, cette ouverture de Deauville a été un événement considérable. Un événement considérable dans un certain monde et dans un certain demi-monde. À la vérité, on a retrouvé ce jour-là tout Trouville. Tous les personnages qui étaient sur la terrasse de l'hôtel de Paris à Trouville. Il y avait Liane de Pougy, Émilienne d'Alençon, dans le même mélange la duchesse d'Uzès, Madame de Clermont-Tonnerre, Henri Rochefort et son Panama de 3000 francs, disait-on, 3000 francs de l'époque. Il y avait même Arthur Meyer, il y avait déjà Bonnie Castellane, il faut dire, qui était tout jeune. Oui, tous ces gens illustres, si illustres qu'on ne se rappelle même pas leur nom, mais en fait qui ont été... Oh, dites donc. Non, il n'y avait pas que des mondains et des demi-mondaines, surtout le jour de l'inauguration de Deauville. Il y avait des constructeurs d'aéroplanes, je me rappelle, il y avait Breguet, Morane, il y avait même des aviateurs, il y avait des banquiers. Il y avait même le docteur Doyen, qui était une personnalité scientifique considérable à l'époque. Oui, il y avait énormément de monde, et je ne vous demande pas évidemment de citer l'annuaire de Deauville de l'époque. Mais cette création a été sensationnelle, pourquoi ? D'abord, il y a une très jolie surprise, c'est le Normandie. C'est la première fois peut-être qu'on avait construit un hôtel qui ne défigurait pas trop le paysage, qui ne le défigurait pas du tout d'ailleurs. Normandie avec ses toits de vieilles tuiles, ses hauts pignons, ses façades en encorbellement, et surtout la cour normande plantée de pommiers, dans laquelle on avait disposé des tables autour d'un orchestre, et qui a été l'origine de ce qu'on a appelé plus tard, de ce nom un peu ridicule, de la potinière. Et entre cet hôtel et le nouveau casino, style Bagatelle, qui jurait un peu avec le style normand, il y avait une petite rue qui s'appelait la rue de Gontaut-Biron et qui était exactement la réplique de ce qu'avait été la rue de Paris à Trouville. Le long de l'hôtel de Paris, il y avait une rue avec des boutiques de luxe, des petits magasins et un orchestre aussi. Alors Deauville avait à peu près reconstitué Trouville. Il me semble que le moment est venu peut-être de révéler les dessous de cette histoire-là, que j'ai appris moi-même par un homme qui malheureusement n'a pas pu venir jusqu'à nous aujourd'hui, mais qui m'a raconté les détails de l'histoire, et qui est votre ami l'hôtelier. Ah oui. Qui est, au fond, le fondateur de Deauville. Non, le fondateur de Deauville était le père de ce l'hôtelier. Ah ben oui, mais lui... Qui était entrepreneur de travaux publics, et dont le fils, qui a aujourd'hui 89 ans, fut le charmant directeur du journal Le Journal, pas le fondateur. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que le père, l'hôtelier, était maire de Trouville. Il était maire de Trouville. Et un jour, il y a eu des élections, il a été blackboulé. Non, le casino de Trouville ne marchait pas très bien. On l'avait donné à un garagiste, c'était pas son affaire, qui a eu l'idée d'appeler Cornuchet. Cornuchet est venu, a amené toute sa clientèle parisienne à Trouville, et d'année en année, les recettes du casino ont monté. Mais... le conseil municipal de Trouville, qui touchait un pourcentage sur les recettes du casino, s'était montré d'année en année de plus en plus exigeant, et un jour le père l'hôtelier en a eu assez. Et il a demandé à Cornuchet si nous fondions une autre plage, l'instar du duc de Morny, nous allons refonder Deauville, n'est-ce pas ? Je dois dire que ça n'est pas tout à fait la version que raconte son fils, et qui m'a expliqué que le père, ayant été blackboulé, aux élections... Lui, le jeune l'hôtelier, a voulu venger son père et est allé acheter les terrains de Deauville sur lesquels ont été construits le casino et le Normandie. C'est ça, le site de Normandie. Voilà. Il en a acheté, mais enfin, je crois que c'est le père. Le père est Cornuchet. Enfin, c'était toujours un hôtelier. En fait, c'était à cause des élections de Deauville que, finalement, Deauville a été créé. Exactement. Alors, un moment, on a voulu construire un pont sur la Touque. Deauville s'y est opposé parce que Deauville n'a pas voulu que les gens, que les populaires de Trouville viennent à Deauville. Quel tact! Deauville a donc refusé, parce que d'après les règlements, pour qu'on établisse un pont entre deux villes, il faut que les deux villes soient consentantes. Alors Trouville s'est vengé en établissant des dépôts de charbon dans l'arrière-port. Et quand le vent soufflait, toutes ces poussières de charbon venaient salir les yachts, n'est-ce pas, qui avaient été appelés de Corse et d'un peu partout sur Deauville. Ça a été le commencement de la guerre entre Trouville et Deauville, qui n'a pas cessé depuis d'ailleurs. Je dois dire, puisque vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, que cette inauguration a eu lieu le 14 août, veille du Grand Prix de Deauville, et qu'il y avait comme spectacle de gala les ballets russes, en particulier le Spectre de la Rose avec Nijinsky et Karsanina. Je voudrais vous citer aussi les mots de M. Le Tellier, je regrette d'être seulement son interprète, il aurait dû le dire lui-même, mais il n'y avait pas de roulette à ce moment-là, il y avait juste... Non, la roulette est venue bien plus tard. Et chose curieuse et qui semble étrange maintenant, il paraît qu'à cette époque-là, comme dans les cercles du reste, les hommes dans les salles de jeu gardaient leurs chapeaux. Non, je n'ai pas vu ça. Eh bien, voilà. Vous n'avez pas le souvenir de ces chapeaux Je me rappelle très bien les chapeaux de forme, mais à Deauville, on ne mettait pas de chapeaux de forme parce qu'on ne mettait pas de chapeaux de forme sur les plages, pas plus qu'on ne mettait d'habits, sauf les maîtres d'hôtel. On porte le smoking, noir ou blanc plus tard. Jamais j'ai eu de chapeau de forme. Eh bien, voilà une contestation. Vous voyez, M. Le Tellier m'a affirmé que les gens portaient leur chapeau de forme au jeu. Ensuite, ils l'ont remplacé le chapeau de forme par le chapeau mou ou le canotier, et ils continuaient à se couvrir dans les salles de jeu. Oh, vu ça, je me rappelle très bien le privé. Je me rappelle M. Hennessy et M. Namias faisant ce qu'on appelle des différences de 200 000 francs or, n'est-ce pas ? Ce qui était beaucoup à côté des pauvres 13 millions d'entre les deux guerres qu'a perdu M. Citroën, qui avait fait un scandale épouvantable à l'époque. Bon, là aussi, il y a contestation, puisqu'il est parti gagnant, m'a-t-on dit. Oui, il est parti gagnant à la fin de la saison, parce qu'il est parti sur une Citroën. En fait, les Citroën marchaient plus vite que les roulaient plus vite que les autres voitures à cette époque. Non. Est-ce que je pourrais demander à Georges Michel s'il y avait des artistes peintres à cette inauguration ? Non, je n'y ai vu qu'un grand artiste, Sem. Oui. Qui venait d'ailleurs de publier un album magnifique. Je crois que la Gandara y est venue, en effet. Et pas Helle? J'y ai vu Helle. Parce que Helle avait un yacht. J'y ai vu Boldini, j'y ai pas vu Forain. Ça fait déjà pas mal tout ça. Je pense bien. À l'inauguration? À l'inauguration, ou l'année suivante, enfin. Eh bien, cher Michel Georges-Michel, je vous remercie d'avoir évoqué pour nous cette soirée bien lointaine, qui semblera peut-être futile à nos auditeurs. Elle était futile, évidemment, puisque c'était un soir de vacances dans des salles de jeu et dans un casino. Eh bien, puisque Jean Berlet vient de poser la question des peintres, nous allons enchaîner en interrogeant comme premier témoin un peintre qui est Pierre de Guingamp, qui du reste n'était pas peintre à l'époque, j'imagine. Non. Enfin, bon, et alors, j'ajoute qu'après Pierre de Guingamp, nous entendrons d'autres témoins, et je rappelle que nous les entendons chacun après l'autre, et aucun en écoutant ce que les autres ont dit. Donc, Pierre de Guingamp, vous assistiez à l'inauguration de Deauville. Oui, j'ai assisté à l'inauguration de Deauville, non pas comme officiel, je l'ai vu de loin, et comme estivant, puisque je venais à Deauville tous les ans. Alors, la station existait avant 1912. Je crois bien, puisque moi je descendais à Deauville, alors que Trouville était la plage tout à fait à la mode, avec sa fameuse rue de Paris. Et c'est à la suite, je ne sais pas quelle mésentente, quand Cornuchet n'a pas repris la mairie de Trouville, qu'il a décidé de la création de Deauville. Avant 1912, Deauville était une station sans casino ni hôtel, où il y avait des gens bien tranquilles. Il y avait un petit casino, mais très petit, enfin, qui a été arrangé. Mais il y avait un hôtel, puisque c'est là que je descendais, et c'était un hôtel modeste, on était très bien, mais enfin, où je venais parce que c'était beaucoup plus modeste que la vie de Trouville, et comme j'étais très jeune et jeune comédien, je ne pouvais pas, évidemment, suivre le grand train de Trouville. Dites-moi, vous avez parlé tout à l'heure d'inauguration officielle. Il y a eu une inauguration officielle? Oui, il y a eu une inauguration, mais ça, j'avoue que mes souvenirs sont assez imprécis là-dessus, étant donné que je fuyais les officiels empesés de ces histoires-là. J'étais trop jeune, j'aurais été évidemment très déplacé parmi des officiels. Non, mais enfin, elle a eu lieu, cette inauguration. Oui, il y a eu une inauguration qui a eu lieu. Ouais, on a coupé un ruban. Il y a eu la rue Grand-Aubiron, la fameuse rue Grand-Aubiron, alors où il était tout à fait de mode de se retrouver avec des tas d'amis, des gens connus, et ça a été d'ailleurs une chose délicieuse au départ, et ensuite, alors je crois, c'est l'année suivante, avec la fameuse potinière, qui a créé l'esprit de Deauville. Et alors je me souviens que... au moment de l'inauguration, ce qui a été pour nous une surprise, enfin pour ma part personnelle, dans mes souvenirs, qui est une chose étonnante, c'est le coup de baguette magique, justement, de Cornuchet, quand il a fait surgir des sables de cette fameuse plage de Normandie, le petit hôtel, ce petit hôtel magnifique que je peux comparer, enfin, très humblement et toute proportion gardée, au hameau de Trianon. C'était une petite merveille. Et on avait l'impression, quand on avait le bonheur d'y être, d'être comme, absolument comme seul, et en même temps de profiter de ce petit palace extraordinaire où on était magnifiquement traité. Donc ça a été un événement non seulement parce que c'était une nouvelle station, non seulement parce que c'était une station en guerre avec la station d'à côté, mais aussi parce qu'il y avait vraiment des innovations d'architecture. Ah oui, un effort tout à fait curieux et intéressant, extrêmement amusant. Eh bien, puisque nous avons parlé de l'architecture et que vous êtes peintre, vous pourriez peut-être nous parler des gens qui étaient là. Il ne s'agit pas seulement de citer des noms, mais de savoir comment ils étaient habillés, par exemple, essayer de restituer... Ah, ça me touche d'assez près, justement, une question qui m'amuse, parce que, à Deauville, je me souviens très bien que, au moment, justement, de cette inauguration, c'était encore l'époque des cravates et des cols empesés, des vestons bleu foncé, enfin, ce billet, de façon assez sévère, malgré tout, et pas du tout sport. J'ai même, enfin, des souvenirs photographiques où on voit des jaquettes dans la rue Grand-Aubiron, et ceci le lendemain ou le surlendemain de l'inauguration. Évidemment, il y en avait peu. Mais la tenue n'était pas encore très, très sportive. D'ailleurs, à Deauville, je me souviens d'un scandale. Émilienne d'Alençon, la fameuse Émilienne d'Alençon, s'est baignée sur la plage en maillot noir collant. Et ça a été un scandale et on l'a prié de ne pas recommencer. Alors vous voyez que ce détail, au point de vue sportif, est assez curieux. Et non seulement ça, en somme, les gens étaient habillés un peu comme à Paris. Oui, on s'habillait assez comme quand on s'habille le soir, enfin sans bah, le smoking, bien entendu, etc. Enfin, on mettait très facilement le veston bleu foncé, pantalon de chanel blanche, bien entendu. Maintenant, j'ai un petit détail assez rigolo. Quand je suis allé pour la première fois aux courses de Deauville, justement, ignorant ce que c'était, j'y suis arrivé en jaquette et en tube. Et là, au contraire, je me suis fait moquer de moi de façon terrible. Alors j'ai couru à l'hôtel, j'ai été me remettre en veston bleu et en pantalon de flanelle blanche, et j'ai eu de nouveau un petit succès qui était tel que j'ai filé, que je suis rentré très vexé. C'était une époque de cérémonie constante où l'étiquette était aussi sévère que sous Louis XIV, à cette différence près que les gens riaient et ne vous donnaient aucune autre... réprimande. Oui, il y avait d'ailleurs, ça date de la saison suivante, la potinière, la fameuse potinière. Quand on arrivait, on était un petit peu épluché par tous les Parisiens qui étaient là, enfin, qui étaient merveilleux, n'est-ce pas, Tristan Bernard, que sais-je, je ne vais pas citer tous les noms, je n'en finirai plus. Et je me rappelle, j'avais justement, pour lutter un petit peu contre l'esprit de ces vestons un petit peu trop habillés et pas assez sport, j'avais commandé un magnifique veston en tissu des Pyrénées, de toutes les couleurs, et quand je suis arrivé à la potinière, Tristan s'est écrié en me voyant « Oh, voilà Pierrot avec un veston légumes jardinières !» Nous allons avoir le plaisir de demander son témoignage à M. Pierre Bourderie, qui habite en province et qui a fait tout exprès le voyage pour venir nous raconter ses souvenirs de l'ouverture de Deauville, souvenirs d'autant plus pittoresques qu'a priori, que M. Bourderie appartenait au personnel de la maison. J'étais à l'ouverture en cuisine. En cuisine, quelle était votre spécialité ? Ben, dans la pâtisserie. Vous étiez cuisinier-pâtissier. J'étais pâtissier. Alors c'est vous qui avez eu la charge de faire tous les entremets et tous les gâteaux. C'est-à-dire que je n'étais pas seul. Vous étiez combien ? Nous étions 11, autant que je me souvienne, en cuisine. Et la brigade se composait de 120 personnes, tant cuisiniers que pâtissiers et glaciers. On appelle ça une brigade, en fait. On appelle ça une brigade, ouais. C'est assez curieux. Ouais. Et le général s'appelle, le chef s'appelle Gros Bonnet. Gros Bonnet. On l'appelle un Gros Bonnet. Tiens, eh ben on aura appris au moins ça. Ça s'appelle une brigade et on dit aussi le coup de feu, d'ailleurs. Il n'y a pas d'armistice. Alors, vous m'avez écrit, du reste, pour rectifier une erreur qui avait été faite lors de l'annonce de l'émission. Vous m'avez dit très justement que ce n'était pas en 1913 que ça se passait, mais en 1912. C'est exact, j'ai des souvenirs très précis à ce sujet. Vous souvenez-vous de la date exacte ? La date exacte de l'ouverture, le jour, non, je ne vous le dirai pas. Parce que je suis rentré, vous savez, quand on est ouvrier, je faisais partie de cette brigade, Je suis rentré au travail, je ne me rappelle pas exactement des jours. Seulement, je me souviens tout de même des jours qui nous ont frappés en tant que travail. Par exemple, notamment le jour du Grand Prix, le jour du Grand Prix de Deauville, où nous avons eu vraiment une belle journée. C'était, je crois, le lendemain de l'inauguration. Vous ne vous rappelez pas? Ah non, oh non, ça ne devait pas être le lendemain, ça me suffit loin, je ne pense pas. Dans votre cuisine, en dehors du fait que vous avez participé à l'élaboration du dîner d'ouverture, est-ce que vous avez eu des échos de l'ouverture elle-même? Oui, c'est-à-dire que pendant le repas du soir, qui est toujours le repas principal, j'ai vu, mes camarades aussi, un certain affolement. À un moment donné, on ne savait plus où donner de la tête, les clients arrivaient de toutes parts, et je me souviens très bien quand, en cuisine notamment, on cherchait tout ce qui pouvait se servir de table, de chaise, de tout ce qui s'ensuit. La pâtisserie d'ailleurs a fourni des caisses à œufs, elles étaient vides bien entendu, mais enfin, ça a servi de tabouret. Les clients sont assis sur des caisses à œufs. Je ne les ai pas vus s'asseoir, mais tout au moins si on les a pris, c'est qu'on voulait bien en faire cet usage. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait eu un succès beaucoup plus important que celui que... La direction, je pense, ne s'attendait pas à une affluence pareille. On prétendait qu'on avait fait 1500 couverts. Alors, j'aime mieux vous dire, vous savez que 1500 couverts à cette époque-là, en cuisine, il fallait y en mettre un coup. Ça ne faisait pas tout seul. Mais je pense qu'à toutes les époques, 1500 couverts, ça n'est pas facile. Ah, attention, il y a tout de même des endroits, lorsqu'on a prévu, c'est un roulement... Alors là, on est en place, ce qu'on a fait. Mais quand on n'est pas en place, ben là, il y a le coup de feu, il y a la nage. Et puis alors, il faut dire sans doute qu'à l'époque, le nombre des plats était beaucoup plus nombreux que dans les dîners actuels. Il y avait combien de services? Le service, non, c'est le service restaurant, le grand service, le service à la carte. Ah, c'était à la carte. Il n'y a pas de service, là. Le client arrive tout aussi bien à 7h30 comme il peut arriver à 9h. Ah oui, ça n'était pas un dîner de gala servi à tout le monde de la même façon. Ah non. Et est-ce que vous avez vu quelques-unes des personnes qui se trouvaient là? Dans la salle du restaurant? Oui. Ah non. Vous n'êtes pas allé. S'il n'en était pas question. Et le grand patron, vous l'avez vu, M. Cornuchet? Non, je ne me souviens pas de ça. Mais il faut, je ne me rappelle pas. Naturellement, tout ce qui avait trait à notre direction propre, c'est-à-dire le chef, que je vous ai dit tout à l'heure, le gros bonnet, tout ce qui s'ensuit, l'état-major de la cuisine, nous le connaissions particulièrement. Mais la haute direction, ça, il ne faut pas demander à l'employé, vous savez, de connaître les huiles. Ça n'existe pas. Qui était le gros bonnet, là? C'était un chef de Paris. Et je ne sais pas si je suis autorisé à dire son nom. Oh. C'était M. Coutan. C'est le chef de... Je sais qu'il avait une certaine direction dans Maxime et puis le restaurant des ambassadeurs à Paris. C'était un grand chef de l'époque. Et vous avez un peu flâné dans Deauville? Vous avez eu quelques moments de loisir, oui? Le soir, après le travail, nous allions quelquefois au casino. C'est là que je me souviens de Dranem. Dranem qui, sur la scène, s'amuse à faire des gestes, et puis les spectateurs chantaient la chanson. C'est pas bête. Oui. C'est ce qu'on appelle le doublage. Et puis le soir aussi, mais moins souvent par exemple, nous allions voir ce qui se passait à la roulette, comment on pouvait faire pour gagner de l'argent un peu facilement. Pour perdre ses appointements. Eh oui, j'aime mieux vous dire que nous n'y tâtions pas trop. Non. Il y avait déjà la roulette en 1912? Ah oui, il y avait le casino, il y avait des jeux. Oui, mais jeux. Ça, j'entends bien qu'il y avait des jeux, mais je vous demande lesquels il y avait. Ben, je vois une roulette. Oui. Je vois une roulette. Écoutez, monsieur, je n'étais pas un assidu de ce type. Non, j'entends mais bien. Je vois très bien, et je veux même vous citer une anecdote à ce sujet. Nos camarades avaient reçu cette toute jeune femme, et il a voulu montrer à sa femme qu'il était à la page. On est allé à côté de cette table de jeu, et il a jeté une pièce de 20 sous sur un numéro. À ce moment-là, toute jeune femme a eu la réaction spontanée, elle est allée chercher la pièce de 20 sous, et puis elle a emmené son mari. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas eu de suite, puisque ces braves gens-là que je connais vont fêter leurs 50 années d'union. C'est peut-être parce que justement elle a retiré les 20 sous sur les numéros pleins. C'est une femme qui avait de l'autorité. Mais est-ce qu'il y a eu des fêtes? Il y a eu une fête de nuit, il y a eu un feu d'artifice, est-ce qu'il y a eu quelques fastes? Je ne me souviens pas de ça. Je ne pensais pas qu'après 44 ans, je serais mis à même de vous rappeler de ça. J'aurais pris certainement l'avantage. Le jeu pour nous consiste justement à voir quels sont les souvenirs qui surnagent dans la mémoire après tant d'années. Mais les jours les plus calmes, nous arrivions à 8h au travail et nous en quittions très facilement à 9h30, 10h. À 8h du matin. À 8h du matin. Oui, et le soir, vous en sortiez à 9h30, 10h. 9h30, 10h. Oui. On avait quelques moments de repos, quelquefois l'après-midi, dans les jours de pas trop grande presse. Mais ces jours-là étaient plutôt rares. Parce qu'en saison, en principe, vous savez, c'est le travail, c'est la saison. Évidemment, c'est l'envers des vacances des autres. Voilà. L'heure que vous indiquez tendrait à prouver que tout de même les horaires des repas, et justement dans une société qui n'est pas astreinte à des horaires très précis, c'est quand même déplacé. On dînait plus tôt, par conséquent. Si vous étiez à même de quitter votre travail vers 9h30 ou 10h, à l'heure actuelle... C'est l'heure à laquelle on arrive pour dîner. Ah oui, à cette heure-là, tout de même, vous savez, 9h30, 10h, en principe, les cartes étaient finies, le repas était fini. Restaient peut-être les desserts, mais le gros de la cuisine était envoyé. Bon, ben, je vous remercie infiniment, M. Bourdery. Nous avons eu, grâce à vous, une vision de Deauville le jour de son inauguration. Elle est bien modeste. Vue par les coulisses. Elle est bien modeste. Mais très importante, ce que j'ai vu. Sans vous, il n'y aurait pas eu de repas. Non, pas jusque-là. Nous allons maintenant recueillir le témoignage de M. Renoncet, qui m'a écrit qu'il avait assisté à l'inauguration de Deauville. Mais peut-être y a-t-il un léger malentendu, car... Et c'est par ma faute, il avait été annoncé que c'était en 1913, oui. Et c'est en 1913. C'est en 1913 que j'étais à Deauville. Alors donc, ça n'était pas l'inauguration de 1912. Non, c'était l'inauguration du Royal Hotel à Deauville. Ah, c'est ça, il y a eu une deuxième inauguration, deuxième grand hôtel. Deuxième grand hôtel, un grand palace, c'est absolument riche. Oui. Et alors, justement, moi, je suis arrivé au mois de juillet, et cet hôtel devait ouvrir à la fin de juillet. Et c'est là qu'est devenue la catastrophe, parce qu'elle était encore qu'au troisième ou quatrième étage. Et alors, il a fallu que M. Cornuchet, qui était le grand maître de l'époque, n'est-ce pas, double, triple et même quadruple les équipes pour arriver à ce que cet hôtel puisse... Et il a été terminé. Et il a été terminé en temps. Remarquez que le quatrième et le cinquième étage n'étaient pas finis à ce moment-là, mais l'ouverture a été faite quand même, parce que M. Cornuchet attendait des rois de ce monde, vous savez, des rois, des princes, des princesses authentiques, alors, et ça aurait été une catastrophe si ça avait été ouvert. Puisqu'il y a une différence de date entre ce que vous avez vu et ce qu'ont vu nos autres témoins, nous pourrions tout de même retrouver cette confrontation de témoignages à propos des gens que l'on voyait, de leurs costumes, de leurs habitudes, qui en un an n'avaient sans doute pas beaucoup changé. Est-ce que vous vous rappelez l'atmosphère de cette époque ? Oh oui, une atmosphère que l'on pourrait dire féerique. J'ai vu entre autres une dame qui est arrivée, elle avait sur ses souliers, sur chaque boucle, une petite montre sertie de diamants, par exemple. Et tout, la suite était pareil, les boutons de robe, c'était du diamant. En plein jour ? En plein jour, sur la plage. Oui, on était donc très habillés. Oh, très, très habillés. Et même changé 3 et 4 fois de tenue, n'est-ce pas, pour le déjeuner, pour l'apéritif, pour le casino, le soir, en habit. Oui, c'était à l'époque une série de manifestations mondaines dans lesquelles les jeux de la plage et les sports prenaient une place très petite. C'était pour le 15 août, il y a eu le Grand Prix de Deauville. Oui, mais enfin, ça, le sport, c'était à peu près zéro. Oui. C'était la plage, c'était la promenade. C'est ça, c'était la promenade, et puis alors on allait voir les chevaux courir, et on ne courait pas beaucoup soi-même. Oh non, moi j'ai mis 5 francs, je me rappelle, sur le favori qui naturellement n'était pas là. Non. Il n'était pas là. J'ai vu arriver aussi un jour un couple. Il avait 3 voitures à sa disposition. Une Rolls, par exemple, pour monsieur, madame, le chauffeur et le valet de pied. Et heureusement que... le luxe n'était pas là à ce moment-là, sans quoi monsieur le percepteur a pu boire. Et une deuxième voiture derrière, pour les enfants, la bonne. Et la troisième, le valet de chambre de monsieur, la femme de chambre de madame, et les bagages. Et c'était des voitures déjà automobiles. Automobiles, c'était une Rolls la première. Oui, non mais parce que... 3 voitures automobiles. On aurait pu penser qu'à cette époque, on voyait surtout des attelages. À Deauville, là, il y avait des attelages, mais au Royal Hotel, c'était des voitures. Toutes les autos en circulation à l'époque se donnaient rendez-vous là pour se montrer l'une à l'autre. C'est ça. Et je vous assure que cette personne que j'ai vue monter avait une allure tout à fait princière. On parlait de roi, je ne sais pas lequel. C'en était peut-être un, après. C'en était, je le crois, je le crois. Il y en avait encore un certain nombre à ce moment-là. Incognito. Incognito, exactement. Que faisait-on toute la journée ? On n'allait pas sur la plage. Où... Si. On se baignait. Il y avait des gens qui se baignaient. Mais oui, monsieur, on se baignait. Et justement, c'est sur la plage que j'ai vu toutes ces personnes, tous ces gens. Mais enfin, cette dame se promenait dans le sable avec sa montre sur le pied. Les planches, sur les planches. Sur les planches, sur le côté. Ben, chacun avait sa cabine, naturellement, et on pouvait se déshabiller là-dedans. Et... Aller ensuite dans le sable. Et rentrer chez eux, se changer de toilette pour le déjeuner, et ainsi de suite, et le soir pour le casino. Et alors, on allait tremper dans l'eau, un orteil timide, et on s'empressait de revenir. On se baignait vraiment. On participait tout de même à une vie extérieure, à une vie de soleil, d'eau, de vacances. Ah oui, monsieur, oui, certainement. Certainement. Et naturellement, les costumes de bain n'étaient pas comme maintenant. Ah ben maintenant, on est tout nus, c'est autre chose. C'est très bien quand c'est des jolies personnes. Mais autrefois, on était très habillés. Oui, mais là, il n'y avait en général que des jolies personnes. Ah oui. Des gens très mondains, luxe extraordinaire. Mais ils pouvaient être mondains et ne pas être toutes jolies. Enfin, oui, mais l'arrangement, la tenue, il fait pour beaucoup aussi. Ouais. Évidemment, c'est très élégant. C'était luxueux. C'était très luxueux, plus que luxueux. En somme... La vie que vous décrivez rappelle assez celle que Proust fait vivre dans son Balbec, qui est Cabourg. Oui, Cabourg, c'est autre chose. C'était beaucoup plus fermé. C'était l'aristocratie, les villas. Deauville, c'est le premier essai de grande dispersion de publicité avec des grands hôtels. C'est ça la nouveauté de Deauville. C'est qu'on a cherché à faire avec une plage et des gens du monde et des gens du demi-monde quelque chose d'attirant et d'amusant. Le boulevard de Paris. C'est ça, quoi. Bon, eh bien, nous allons maintenant demander son témoignage à une dame qui a bien voulu venir jusqu'à nous, qui est Madame Mas et qui était également à Deauville à l'époque de l'inauguration. C'est-à-dire, en quelle année, Madame ? En 1912. Vous étiez là-bas, donc, à la véritable inauguration en 1912. Oui, parce que mes parents étaient là-bas et nous habitions toujours Deauville. Ah bon, vous êtes des habitants de Deauville ? Non, des habitants, non. Mon père travaillait avec M. Cornuchet, qui tenait à ce moment-là le casino salon de Trouville. Mais comme il n'aimait pas Trouville, nous habitions toujours Deauville. Et à ce moment-là, Deauville était une petite bourgade tout à fait tranquille. En ce sens, c'est que même quand nous avions des amis qui venaient dîner, le soir, nous habitions à deux pas de la place de la mairie. Il fallait que nous les reconduisions avec une lanterne de jardin jusqu'à la place de la mairie, tellement les rues étaient peu éclairées. Oui, c'était un village et brusquement, c'est devenu une ville. Oui, et c'est drôle comme la vogue d'une plage tient à peu de choses, parce que M. Cornuchet, qui tenait le casino salon de Trouville à ce moment-là, avait un bail que lui concédait la société fermière de Trouville, en somme, des bains de mer. Et la société n'a pas voulu renouveler le bail à M. Cornuchet, ou tout au moins pas dans les mêmes conditions. On a dû vouloir aller trop fort, probablement, parce que Trouville avait une vogue, la rue de Paris de midi à 1h était exactement ce qu'est maintenant le bar du Soleil à Deauville. Il fallait y être vu, n'est-ce pas, pour les personnes qui avaient un nom. Alors, il y a eu un grand déplacement Fin, je me rappelle très bien, dans le courant de la saison de 1911... On a commencé à entendre des bruits. Vous savez qu'il va y avoir un casino à Deauville l'année prochaine. Monsieur Cornuchet a acheté la Villa des Flots pour faire un hôtel extraordinaire. Et à côté, il y aura un casino. Et si vous pouvez aller au casino de Trouville, vous verrez les plans affichés dans le hall du casino, ce qui était exact. Alors tout le monde se précipitait, bien entendu, pour voir ce ravissant casino qui... Bon, alors, on a donc construit ce casino. Alors, on a démoli la Villa des Flots qui avait fait place au Normandie Hôtel, et le casino s'est construit à côté, où il y avait le grand hôtel de Deauville à ce moment-là. Et on nous a parlé tout à l'heure d'une inauguration officielle. Est-ce que vous avez le souvenir d'une inauguration? Je me rappelle d'une inauguration officielle, et qui était prévue, ça je ne peux pas dire la date de juillet, mais c'était en juillet. Et le matin même de l'inauguration, il y avait, M. Cornuchet avait fait les choses en grand, toutes les vedettes on ne disait pas encore vedettes à ce moment-là, enfin, tous les grands artistes du monde entier, les ballets russes, Tito Skipa, Chaliapin, tous ces gens-là étaient engagés pour paraître dans la saison. Et il y avait l'inauguration prévue. Et le matin, il y avait une représentation extraordinaire au théâtre. Et le matin même, nous étions avec mes parents et M. Cornuchet dans le théâtre, encore vide de tout, c'était les plâtres. et il y avait un brasereau dans chaque loge pour faire sécher les plâtres. Et j'entends encore mon père demander à M. Cornichet, vous êtes certain qu'il y aura une inauguration ce soir? Oui, oui, oui, oui, oui. Et à l'heure dite, tout était tendu de toile de jouy rose, et c'était le petit théâtre que vous connaissez probablement. Bon, et moi j'aurais voulu poser à Mme Mas une question sur M. Cornichet. Parce que moi, je n'ai jamais vu M. Cornichet. Ah. Mais c'était un personnage étonnant, alors balzacien. Ah, c'était un magicien. Mais il avait commencé comme quoi dans la magie? Comme garçon de café? Oh, certainement que... probablement que si. Il a commencé dans le... Dans la limonade. Dans la limonade et après la restauration, puisqu'il tenait le restaurant Maxime avec M. Chauveau. C'est admirable de réussir une chose pareille. Ah, mais oui, et puis alors, il était là... pour surveiller les travaux, pour faire marcher tout le monde, il fallait que tout soit prêt, et tout était prêt. Il y avait même un train spécial ce jour-là qui a amené des invités. Alors c'était assez drôle, parce qu'à ce moment-là, avec la mode actuelle, n'est-ce pas, les grands chapeaux et tout, on voyait les femmes ou arriver en cache-poussière dans les autodécouvertes. Et alors le soir, c'était unique comme spectacle, toutes ces femmes transformées en belles dames. Décolletées. Soirées, décolletées, grand décolletées, tout. Oui, parce que les femmes qui voyageaient dans l'automobile avaient des tenues sportives. Il fallait, avec des lunettes presque. Et celles qui arrivaient dans le chemin de fer. Des voilettes. Des voilettes, des grands chapeaux, des gaz noués autour de... Oui, on se cachait le visage. Oui. Mais est-ce qu'il y avait déjà M. André à Deauville en 1912? Ah non, pas du tout. Tout au moins pas en tant que directeur. Non. Je ne sais pas, je ne peux pas dire si M. André y est venu. Il était peut-être garçon lui aussi. Ah, je ne sais pas, mais M. André n'était pas. Non, c'était M. Cornichet, le grand maître, et je vous dis, le grand magicien, parce que ça, il a fait des choses extraordinaires. Et alors, le Normandie s'étant révélé trop petit, n'est-ce pas? Ça a été une telle cohue, une telle affluence, c'est-à-dire sans fausse note, je dirais, parce que ça n'était pas à la portée d'abord de tout le monde, il n'y avait pas les moyens de communication qu'il y a maintenant. N'est-ce pas, Deauville, à ce moment-là, c'était vraiment le grand chic. Et le grand luxe. D'ailleurs, je crois que de toute façon, à ce moment-là, les femmes devaient fuir le soleil. La mode n'était pas du tout au pont. Je vous dirais qu'on ne pensait pas du tout à la mer à ce moment-là, on faisait... Elle était très loin, mais on allait... La potinière n'existait même pas en 1912. On se promenait entre la partie, exactement, entre le Normandie, la cour normande, n'est-ce pas, et le casino... Et entre la terrasse et la fin du casino et du Normandie. Et puis on pourrait remarquer qu'il s'est produit un grand déplacement dans la conception des vacances. Autrefois, les gens cherchaient la fraîcheur en été et la chaleur l'hiver. Maintenant, l'été, on va chercher le maximum de chaleur sur les rives de la Méditerranée, de la même façon que l'hiver, on va dans la neige. Et c'est tellement frappant que sur un guide bleu qui n'est pas très ancien, puisqu'il est postérieur à la Première Guerre, on peut lire à la page de Cannes, qui célèbre les splendeurs de Cannes en hiver, que l'été, Cannes est fréquenté par quelques familles du Dauphiné. Mais mon cher, les gens sont allés à Cannes et dans le Midi à partir de 1926, parce qu'il y a eu deux ou trois étés extrêmement pluvieux, et que les gens à Biarritz et sur les plages de l'Atlantique étaient trempés de pluie. Oui. Et alors ils se sont dit, au bout de trois années, on va aller passer l'été là où il y a du soleil, et ils ne sont plus revenus. Enfin, c'était évidemment un autre monde, par le fait même que c'était avant la guerre de 14. Ah, et puis il y avait les éléments déjà pour faire la belle clientèle de Deauville, avec toutes les splendides villas qui appartenaient aux familles Dutch de la Meurthe, Francis de Croisset, Madame Dolphus, enfin je ne parle que des gens comme ça qui avaient des villas. La baronne d'Erlanger qui avait cette fameuse villa, la Louisiane, où est actuellement le Royal, et qui avait quatre rues tout en jardin. C'était une des curiosités. Quand on vous laisse promener en fiacre, les cochers vous conduisaient tout de suite voir ces merveilleux jardins de la villa, la Louisiane. Je vous remercie infiniment, madame, de ces quelques souvenirs. Du reste, ceux que nous avons recueillis de la part des autres témoins étaient assez semblables, sauf toutefois, et là, c'est vraiment du témoignage, et ce n'est pas seulement de la mémoire, sur les circonstances qui ont précédé la fondation, il y a tout de même des versions très différentes. Et si nous devions vraiment faire une enquête sur la façon dont ça s'est fait, nous serions devant au moins trois versions différentes. Oui, mais en tout cas, c'est à peu près pareil, parce que c'est à un moment Cornichet qui en a assez de Trouville et de sa municipalité, et qui dit, moi je vais aller ailleurs, je vais aller en face. Oui, ça, ou le tellier. Ou le tellier. Oui. Mais Cornichet devait être soutenu par le tellier père. Et puis il y avait un maire extraordinairement intelligent à Deauville, qui était M. Désiré Lehoc. n'est-ce pas, qui a saisi l'occasion de faire sortir Deauville, en somme, en collaboration avec M. Cornuchet. Parce que M. Lehoc a fait beaucoup également pour Deauville. Et ça a duré, les gens continuent d'y aller. Ah oui. L'été. Oui. C'est-à-dire que c'est tellement près de Paris. Il y a aussi cette circonstance qui joue énormément. C'était Soyez témoins, une émission d'André Gillois, avec Jean-Pierre Morphy, Jean Oberlé, et ce soir, Pierre de Guingamp, Michel-Georges Michel, et quelques témoins de l'inauguration de Deauville en 1912. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morphy. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 8 mars 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». ».